savoir que tu es à moi. Écouter ton cœur battre, l'océan baiser tendre sur ta bouche entrouverte et t'aimer encore une fois. T'aimer encore une fois. S'aimer encore une fois.